C'est quand le cinéma, c'est quand le cinéma, c'est quand le cinéma, c'est quand le cinéma, viens m'aider mon lapin, viens m'aider mon lapin, viens m'aider mon lapin. C'est quoi vos films? C'est quoi vos films? Des films d'amour, du bonheur. Moi je comprends, mets la musique plus fort mon lapin, mets la musique plus fort, mon lapin. La séance dans 5 minutes. Ce soir on va au cinéma. Ce que nous aimons nous, c'est se bidonner. Se bidonner. Pas devant la dame. Pas devant la dame, pas devant la dame, ça me gêne, ça me gêne, pas devant la dame, ça me gêne, ça me gêne, non, ça me gêne, non, ça me gêne, arrête, pas devant la dame, le paix de la jeune fille, le paix de la belle-mère, le paix de la jeune fille, le paix de la belle-mère, le paix du mince, le paix de la couturière, tous les moyens sont bons, vous rirez, ses hallucinations, en chair et en os n'aimant pas les enfants demain, ni les humains. Je chante, je danse, ça doit être formidable, du plaisir, à fleurs, du plaisir, toujours, tout le monde est bien, tout le monde est bien, tout le monde est bien, tout le monde est bien. Ça va, c'est bien. Mais beau ce matin, ça va, c'est bien. Voyons-y, j'ai perdu mon tour de la main. Ça va, j'ai perdu mon tour de la trique. J'ai été à Saint-Tropez, de la Zéga, encore un soir et tout plus. De la Zéga, je suis ravi. Je suis de la caille, la mette. Il a sorti, dans la vie. Thank you. Centrata, de lo que se trata. Se trata de lo que se trata. Se trata.